amateur d'atoche fosse, pourriti et j'carbon. Un niveau puc des gosses, défilé des garçons. À l'empistrie poit bille, un est tout émotionné. Quand un demande à chez filet, s'en pour dévaler. Un les ravissé de long, un serre ses poings d'un Saint-Béguin. L'empiste, elle est l'empiste, la parle d'un bien. Car la démane, la folle va bien. Quand par mes allumettes, dame lampe quand il n'a pu, j'ai que j'en deviens tout bête et que j'en reste confus. T'as un mouchoir bleu sucette avec chicho pois blanc. Chapitre, ton aime barrette et j'ai plus de goût des chats au fond. Et je vaux tes yeux mignons, t'as un court jupon d'un macaron. La piste, et je te la piste. Quand Archiol Kazenne, cadette à tes côtés, prêtage du pont d'Ingen, j'aime ça tout à tourner. T'es ça un peu le basole, mais j'aime pousse ton toiti. Je m'en fous si un rigole, mais t'es majeur comme un biscuit. Car monsieur un mineur qui donne 5 heures pour un bonheur. La piste, aime toute la piste, aime la bien, aime monsieur triste. La piste, aime toute la piste. Garde à tes mains, l'empale va bien. Et le dimanche d'âge village, avec tous mes copains, je t'aperçois tout un hache, juste à le port d'un crin-crin. Ouais, viens faire un danse avec un galibot. Je t'ai dit, aime chot tortance, à mon machu, y'a un piano. Et là, nous y dansons, au joyeux son de l'accordéon. Lampiste, aime chot lampiste. Lampiste, aime toute lampiste, la balle va bien, et je suis triste. Lampiste, aime toute lampiste, garde à tes mains, la balle va bien.